Je fais les choses, ne m'en veux pas si tout est flou dans ma carrière. Beaucoup de proches qui ont su les mettre à genoux. Je suis une femme, mais qui renferme un étendard. Une philosophie qui cause du fil à retordre à ton art. Je fais les choses avec le cœur et la raison. Je l'ai noyé dans la prison de tous ces pleurs qui m'empoisonnent. Je les fais bien, du moins du mieux que je peux. Pose avec trois fois rien, mais au final qui dit mieux. Voilà 10 piges, ouais mon vieux, que j'entends ça là, mes shalom. Et c'est toujours parmi les envies que je slalom. Voilà 10 piges, mon gars, que je fais juste en devoir. Accompagné à capella, mais on m'en fait toujours voir. De toutes les couleurs, ça m'est que regarde-le. Je fais les choses sans décodeur, hé, hey, des rimes au compteur. Tu sais que moi, j'en ai stocké plus qu'il n'en faut. De quoi estomaquer des princesses jusqu'au bas. Je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir, hé, hey, laisse-moi faire mes choses. Ah ouais, attends là, ça fait des années que ça dure. C'est bon là, toujours les mêmes trucs. Ils sont tous à l'affût, je ne garde même plus à la ville comme au taf. Ils sont jamais rebus, toujours là dans les pattes comme des putains de virus. J'suis toujours à espérer que tu ne fasses jamais d'obus. Ben ouais, ça fait tâche une meuf qui offense. Pourtant face à face ils n'ont rien pour leur défense. C'est la France, la différence dérange. On ne supporte pas que tu sois polyvalent. Moi j'ai des choses à dire et ça ne date pas d'hier. Que celui qui me méprise vienne me jeter la première pierre. Sache que j'idéalise niveau vie, niveau cash. Sache que je rivalise et je vois que ça me fâche. Je fais mes trucs à l'aube d'un jour nouveau. Moi je fais droit au but, je ne vise que le niveau. Vous pouvez tout garder, je me contente du reste. Car même avec les miettes, moi j'en tire toujours le best. Je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir, hé, hey, laisse-moi faire mes choses. Eh ouais, toujours faire ses choses, avancer à l'instinct, y'a que ça de vrai. Pendant que tu cogites sur ce que font tes ennemis, sur un tel qui a dit ça aussi. Moi je fais mes choses, tu calcules comment faire du bénéfice sans prendre compte qu'en fait tu y perds la tête. Moi je fais mes choses, tu jasses, je renvoie mes classiques de la soul jusqu'au jazz. Moi je fais mes choses, tu rages inoffensif, je me bâtis une putain de discographie en massif. Moi je fais mes choses. Eh ouais, J.A.V. guérilla prop. Pour un corrupt, pour un corrupt. Tu sais, on fait les choses, on fait les choses. Eh ouais, je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Je fais les choses, pas de leçons à recevoir. Tant qu'il y a de la vie, à de l'espoir. Et mon mal, j'en connais la cause. Je fais les choses, ne parle jamais sans savoir. Des années seules dans le noir, hé, hey, laisse-moi faire mes choses.